Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui Flavie et Emmanuel. Ah, tu veux participer là ? D'accord, et ben, Aloïs oui, est sûr. Avec nous également. Bonjour. Et puis nous sommes avec une sommité française, professeur d'université, s'il vous plaît, Pierre et Marie Curie, c'est ça, je ne me suis pas trompé ? C'est tout à fait ça, bonjour. Paris 6, Jean-Gabriel Ganassia est avec nous. Alors aujourd'hui, la thématique avec quelqu'un comme Jean-Gabriel Ganassia, ça va bien sûr être l'intelligence artificielle. Et c'est dans le cadre d'une toute nouvelle émission qu'on lance avec vous, qui est Autour de nous, donc une émission sur les activités autour du jeu de rôle et l'intelligence artificielle. Je crois que il n'y a pas un seul jeu de rôle de science-fiction, même parfois post-apocalyptique, qui en parle, enfin qui n'en parle pas, pardon. C'est l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose de central dans l'univers du jeu de rôle. Donc là, on a un vrai spécialiste pour nous en parler. D'abord, on a envie de vous demander, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Est-ce que ça ressemble à l'intelligence des êtres humains, mais synthétique, c'est-à-dire pour des machines ? Qu'est-ce que c'est ? Sur quoi vous travaillez exactement ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui a été inventé il y a un peu plus de 50 ans par quelqu'un qui était un jeune homme à l'époque. Enfin, jeune homme, il avait 28 ans. Hein, c'était un brillant mathématicien. Il avait fait une thèse dans les plus précis. Enfin, je crois qu'il a dû faire sa thèse à Princeton, je crois. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement brillant. Il a commencé très très jeune, avec 2 ans d'avance à rentrer à l'université. Il s'est fait renvoyer parce qu'il était mauvais en sport. Qu'il n'assistait pas au cours de gym. Je le comprends. Et ensuite, il a fait son service militaire, puis il est revenu. D'accord. Et après sa thèse, il a eu cette idée de faire une nouvelle discipline. D'accord. Qu'il a appelée l'intelligence artificielle. Il soumet à l'Agence de financement de la recherche américaine un projet. Alors juste pour vous préciser une petite chose, c'est que nous avons des micros unidirectionnels. Donc, si vous le mettez comme ça, on vous entend, mais diffus dans la pièce. D'accord. Il faut vraiment le mettre. Voilà, c'est très bien. Merci. Donc, ce jeune homme, disons qu'il avait 28 ans à peu près, décide de déposer un projet à l'Agence de financement de la recherche américaine, ouais, pour parler d'une discipline nouvelle qui va s'appeler l'intelligence artificielle. Ouais. L'objectif est clairement défini. Il s'agit de décomposer l'intelligence dans des aspects qui peuvent être tellement élémentaires qu'on va pouvoir les simuler sur une machine. D'accord. Donc il ne s'agit pas de fabriquer une intelligence à l'aide de composants mécaniques, c'est-à-dire de faire un double de notre propre intelligence, mais il s'agit d'étudier l'intelligence humaine avec les outils que l'informatique naissance va procurer. Donc, de ce point de vue-là, c'est très clair. Et il organise cette école avec des gens qui vont devenir très connus, dont Marvin Minsky, qui est un cybernéticien et qui va changer un tout petit peu, qui va critiquer la cybernétique. Quelques années après, en plus, il va démontrer que les procédures d'apprentissage qui sont mises en œuvre par la cybernétique sont insuffisantes. Hein, c'est une critique forte. Il va y avoir aussi Nicolas Rochester, qui est moins connu, mais surtout le dernier, qui est pour tous les techniciens, pour tous les électroniciens, pour tous les spécialistes de théorie de l'information considéré comme une espèce de grand commandeur. Il s'agit de Shannon, le grand Shannon, donc, qui est l'homme qui a inventé la théorie de l'information en 1945. D'accord. Donc ça, ce sont les 4 personnes qui vont organiser cette conférence. Et puis, il va y avoir ensuite des psychologues, des logiciens, des ingénieurs, les informaticiens, on ne sait pas trop ce que c'est encore à l'époque. Et en particulier, donc, parmi ceux-là, il y aura Herbert Simon, qui va devenir prix Nobel d'économie plus tard, et puis Alan Newell, qui va travailler avec Herbert Simon, et puis un certain nombre d'autres personnes. Alors déjà, c'est très intéressant, parce que déjà, vous nous libérez d'un énorme poncif, je pense, qui est que l'intelligence artificielle, c'est finalement une intelligence qui serait similaire à celle de l'être humain, mais dans un être artificiel. Là, j'ai envie de te dire que c'est le point de vue littéraire. Oui, là, oui, que tout tu à fait. Énonces. Absolument. Ah, oui, excuse-moi. C'est vrai que j'appelle ça un poncif, mais c'est pas vraiment un poncif, c'est plutôt la manière dont la littérature le perçoit. Ici, on a un monsieur qui nous dit, mais non, à la base, l'intelligence artificielle, c'est l'étude de notre propre intelligence organique, si j'ose dire, à l'aide de moyens matériels, on va dire informatiques. Je ne sais pas si on parle déjà d'un... Tout à fait, oui, parce que les ordinateurs existaient, donc peut-être que la discipline informatique telle qu'elle, elle commençait à se constituer, et en tout cas, c'est ce qui va devenir l'informatique, en anglais computer science, hein, les sciences de l'ordinateur, donc c'est tout à fait clair. Alors, bien sûr, comme vous le dites, il y a deux acceptions à l'intelligence artificielle. Bien évidemment, on a en tête, quand on parle d'intelligence artificielle, la deuxième, c'est la plus naturelle. Et non seulement, vous avez dit, c'est l'acception littéraire, mais c'est l'acception littérale d'une certaine façon. Mais en même temps, l'intelligence artificielle telle que je viens de la définir correspond à une discipline scientifique qui se justifie totalement quand le terme est parfaitement explicite. Et c'est vrai que on a joué un tout petit peu sur les mots parce que ça a donné quelque chose un grand que vous succès. Disiez ce matin pendant la conférence, c'est je sais plus si c'était vous. Enfin, en gros, l'un de vous a pris un exemple. En gros, quand la machine pense à se mettre en route tous les matins à 8 heures, ça veut pas dire qu'elle pense à se mettre en route tous les matins à 8 heures, mais on a calqué sur elle quelque chose auquel l'être humain pouvait penser à se mettre en marche à 8 heures tous les matins. En fait, elle pense pas, mais juste elle le fait, quoi. Tout à fait. Et on peut reprendre ce que j'ai évoqué ce matin. Souvent, donc, on se pose la question de la conscience et on dit il n'y aurait pas d'intelligence sans conscience. Mais justement, qu'est-ce que c'est que la conscience ? C'est une question ouverte. Mais on peut distinguer différents types de conscience. Et en particulier, ce qu'on distingue, c'est la conscience qu'on qualifie d'existentielle. C'est une conscience qui correspond à la façon dont nous nous comportons. Et donc, si on voit, par exemple, un petit robot comme le robot Nao qui est présenté juste à côté, il se comporte comme un petit garçon. Et on a envie de dire, ah bah tiens, il est animé. Il est doué d'une certaine conscience. Bien sûr, on n'imagine pas qu'ils perçoivent réellement et on n'imagine pas qu'ils nous entendent réellement, du moins au sens où nous percevons. Et donc là, on distingue la conscience phénoménologique. Dans le cas de l'intelligence artificielle, on s'est intéressé à une conscience particulière qui est cette conscience existentielle. Alors après, bien sûr, ça a fait l'objet de nombreux débats. D'abord parce qu'il y a des philosophes qui ont dit « Ah oui, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait effectivement réaliser la même chose qu'une conscience. » Ou peut-être que en mimant une conscience, on aurait quelque chose qui serait identique. Dans l'acception physicaliste de la conscience, il est possible de réduire la conscience à un certain nombre d'états physiques. Et donc, on s'est dit, et c'est naturel, on s'est dit, un circuit imprimé, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que par hasard, on pourrait pas reproduire ? Pourquoi est-ce que le cerveau, peut-être que le cerveau, c'est un espèce de gigantesque circuit imprimé dont on ne maîtrise pas encore toutes les molécules ni toutes les parties physiques, mais peut-être qu'un jour, parce que c'est ça en fait, on part toujours dans l'idée qu'un jour, on va y arriver, évidemment. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ? Voilà, exactement. On s'est dit, pourquoi pas ? Il n'y a pas d'objection de principe à l'idée qu'une machine puisse reproduire l'homme. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est est-ce qu'une machine comme un ordinateur, qui est quand même une machine un peu particulière, c'est un automate à état fini ? Donc, est-ce qu'une machine comme un ordinateur peut reproduire complètement ? Alors ça, c'est une question ouverte pour laquelle on n'a pas de réponse. Et puis ensuite, est-ce que les techniques qui sont utilisées par l'intelligence artificielle peuvent y conduire ? Alors ça, c'est encore une troisième question. D'accord. Moi, tout ça m'a fait penser à un truc ce matin, c'est la théorie des zombies de Davidson, je crois. Ouais. Où en gros c'est un être, vous voyez quand on conduit, je dis ça pour parce que vous devez connaître, quand on conduit et qu'à un moment on perd un peu le fil et qu'on se rend compte que ça fait 2 heures qu'on conduit et qu'on est déjà arrivé chez nous, et la théorie c'est en gros est-ce qu'il pourrait y avoir des humains qui comme ça paraîtraient humains et seraient en gros vides. Et ça m'a fait penser à ça, est-ce qu'au final les robots pourraient presque devenir les zombies de Davidson, et est-ce que certains humains seraient pas déjà des robots ou... Enfin, du coup ça pose la question quand on voit cette théorie là, je trouve. Tout à fait, bien évidemment, hein, quand je parlais d'une conscience existentielle, ce sont les zombies. Et sur c'est la question qui se pose, c'est est-ce que on peut distinguer de l'extérieur chose qui serait simplement une conscience existentielle comme serait une machine, de quelque chose qui n'en serait pas. Et puis est-ce que les machines ne sont que des zombies ? Alors vous voyez, bon, il y a des expériences de pensée par exemple là-dessus. Alors ça dépasse bien sûr beaucoup l'intelligence artificielle, mais on se dit voilà, vous connaissez l'expérience de Pilichine, non, qui est absolument pas la substitution substitution progressive, la substitution progressive des neurones. Imaginez quelqu'un qui, à son insu, est opéré. On lui ouvre la calotte crânienne. On se doute pendant qu'il dort, on lui enlève une cellule nerveuse et on le remplace par un circuit électronique qui a les mêmes propriétés physiques que la cellule nerveuse. Puis on rebouche. Est-ce qu'il y aura un changement à la conscience? On va me dire, oh, une cellule, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Ouais, hein. Alors ensuite, on fait ça avec une deuxième cellule. Deux cellules. Ensuite, on fait ça avec une troisième, puis on continue. Alors, sur la question, c'est, est-ce que à un moment donné, la conscience va se transformer? Est-ce qu'il va sentir quelque chose? Une sorte de bateau de Thésée, voilà, du cerveau. Exactement. À partir de quand, on pourra dire que cette personne est la même? Voilà, c'est ça. Et alors, si jamais il y a jamais de rupture nette, si jamais il y a la même conscience, on pourra dire on est capable de reproduire une conscience à l'aide d'une machine. Bien sûr, c'est une expérience virtuelle. On sait jamais. N'ayez pas d'inquiétude. Imaginons qu'à la fin, on ait totalement changé le cerveau de cette personne. Si jamais elle dit moi je sais pas, je me sens comme d'habitude, etc., on pourra dire que c'est possible du coup. Parce que tout aura exactement. Été. Exactement. Alors que ce que les philosophes se demandent, c'est. Est-ce que la conscience va disparaître tout d'un coup, partiellement? Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi? Combien de cellules? On va toucher. Emmanuel, alors, tu voulais poser une question. Alors, il y a eu le chemin inverse il y a quelques mois. Il y a un scientifique qui a créé le buzz. Alors, ça a peut-être été très mal vulgarisé aussi dans les médias. Mais un scientifique qui a dit, tant que je suis encore jeune, que j'ai encore tout mon cerveau, je vais le transférer dans un ordinateur. Donc, le principe, c'était vraiment de récupérer le schéma électrique de ces neurones pour le retransférer sur un circuit électronique finalement. Donc là c'est le principe inverse de dire on peut directement retransférer ça. Ouais, alors ça c'est quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil qui est effectivement un spécialiste d'intelligence artificielle mais un tout petit peu atypique tout de même et qui a une théorie très particulière. Il explique qu'avec le développement des processeurs, ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est le fait que la vitesse et la capacité des processeurs augmentent de façon exponentielle, on aura affaire à des systèmes artificiels dont la fréquence de fonctionnement sera supérieure à celle de notre cerveau, dont la capacité de stockage sera aussi supérieure à celle de notre cerveau. Et donc à partir de ça, il dit on va avoir des intelligences qui seront plus grandes que nous. Alors il dit ça arrive exponentiellement, et comme dans une exponentielle, alors peut-être pour les auditeurs s'ils ne savent pas, ce sont des cours qui correspondent à des multiplications, par exemple, si je fais 2 puissance 1, 2 puissance 2, et puis 2 puissance x, ça c'est exponentiel. Donc à un moment donné, on arrive à quelque chose qui se présente comme un mur. Alors il dit, ce mur va arriver, c'est ce qu'on appelle la singularité. À ce moment, il dit, l'humanité va changer, l'environnement ne sera plus du tout le même, et à ce moment-là, on aura des ordinateurs tellement puissants qu'on pourra télécharger, c'est-à-dire que c'est vraiment la métaphore de l'ordinateur, on pourra télécharger notre esprit et notre conscience sur un ordinateur. Et il dit, il faut essayer de garder notre jeunesse. D'ailleurs, il a une petite société qui vous vend des produits de beauté avec des nanotechnologies pour essayer de vous garder jeune, parce qu'il dit bientôt on va pouvoir tous ceux qui auront de l'argent. Il y a un très beau film, alors quand même pour les auditeurs, il y a un magnifique film qui oppose deux spécialistes d'intelligence artificielle, l'un qui est Joseph Weizenbaum, qui s'est intéressé à des systèmes conversationnels, ce qu'on appelle des chatbots, qui est décédé, mais c'est juste avant la fin de la vie de Weizenbaum, et d'ailleurs la fin du film. Donc se des fait chatbots, après... c'est des ordinateurs qui communiquent entre eux, des machines qui dialoguent avec des hommes. Avec des hommes. Et qui imitent. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un homme derrière, et c'est une machine. C'est le premier qui a fait ça. Il y a eu beaucoup de choses ensuite derrière. Et alors, donc, il y a d'un côté Joseph Weizenbaum, qui était quelqu'un de très humain, et puis d'un autre côté, il y a Ray Kurzweil, qui est peut-être moins humain, qui prétend nous vendre la jeunesse éternelle. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, du point de vue simplement poétique, ça n'est pas le premier. Il y a eu en France Charles Cros, dont certainement beaucoup d'entre vous ont entendu parler. C'est un grand poète qui a été l'inventeur du phonographe, en tout cas en imagination. Il n'était pas un très bon homme d'affaires. Et à un moment donné, donc il a un petit petit poème où il explique que nos cerveaux ont été moulés, l'empreinte a été conservée par un procédé dit de galvanoplastie. Sont conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville à Paris. Donc c'est la même idée. Mais sauf que bon, il le dit dans un poème, tandis que là sur Courvaille, il y a quand même, enfin il y a eu tout un, ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est quelque chose de. Alors c'est un courant dans le milieu du jeu de rôle. C'est ça dont tu voulais parler. C'est pas de ça que je voulais parler, mais j'avais une question. D'accord. Parce que dans le milieu du jeu de rôle, vraiment le transhumanisme est très à la mode. On a énormément de jeux qui sortent sur cette thématique. De plus en plus, même sur le jeu vidéo. C'est un petit peu. De plus en plus là. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le milieu du jeu de rôle, à partir des années 80-90, on a commencé à imaginer ce qu'allait être le futur pour créer en fait des fictions sur le futur. Et les gens imaginaient forcément des hardware qui étaient très très lourds. Et donc du jour au lendemain, il y a eu le Wi-Fi, il y a eu des hardware beaucoup plus simples d'un seul coup à être inventés. Donc on a dû réinventer toutes les gammes de jeux de rôle en prenant en considération toutes. Et récemment, la dernière évolution, c'est ça, c'est le transhumanisme. Aloïs, tu voulais... Moi, c'était par rapport aux singularités donc, que vous avez abordées tout à l'heure. Il y a un lien évident avec la théorie de substitution des neurones dont vous parliez juste avant. C'est est-ce que si on met, vous disiez qu'on pourrait transférer la conscience et l'intelligence sur un processeur. Est-ce que ce serait une copie de la conscience ou ce serait vraiment un transfert? Est-ce que ce serait la même personne qu'on mettrait dans la machine? C'était là ma question. Oui. D'abord, je ne suis pas un adepte de cette théorie. Non. Clair. Oui. Peut-être. On a dit que j'étais professeur, j'essaye de présenter les théories des autres. Je n'y crois pas une seconde. D'accord. Alors, la deuxième question, est-ce que ce serait la même? C'est une très belle question. Il y a comme ça des expériences de pensée qui ont été faites et il y a, entre autres, quelqu'un qui s'appelle Parson, qui est un philosophe peut-être que vous connaissez, qui a fait une expérience de pensée sur l'identité. Et justement, il a imaginé qu'on échange les mémoires de deux personnes. Alors, il y a une personne A et puis une personne B, puis vous échangez leur mémoire. Alors, c'est amusant parce qu'ensuite, si la personne A se promène avec la mémoire de B. Il arrive et alors tout le monde lui dit bonjour en pensant que c'est A. Lui se souvient absolument pas des autres. Bah oui. Et en revanche, quand il dit bonjour à quelqu'un, personne ne se souvient de lui. Bah oui. Alors la question que ça pose après, et qui rejoint un tout petit peu votre interrogation, c'est quand la personne A, avec la mémoire de B, meurt, on va l'enterrer, mais qu'est-ce qu'on enterre? Est-ce qu'on enterre A ou est-ce qu'on enterre B? Est-ce qu'on enterre l'âme de A ou l'âme de B? D'accord. Est-ce que finalement la question que vous posez, Jean-Gabriel Ganassia, c'est est-ce que ce qu'on appelle nous-mêmes, c'est une construction extérieure à nous qui serait l'ensemble des gens qui nous connaissent qui la formulerait, c'est-à-dire une vision externaliste, au sens où la personne que l'on est finalement, c'est les autres qui savent qui on est, enfin je sais pas comment dire, et alors contre une vision qui serait plus internaliste, où c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, où on sait en fonction de nos expériences que l'on fait nous-mêmes avec notre propre conscience. Exactement, ouais, c'est intéressant comme question, parce que c'est vrai que les gens qui vous connaissent, ils auront tendance à enterrer la dépouille de A et dire on sait A, mais en réalité A, il se sentira ailleurs, puisque son passé aura été transféré ailleurs. C'est très intéressant. Emmanuel. Sachant que je pense qu'on ne peut pas forcément dissocier les deux, parce que même si on a notre propre conscience qui est forcément liée au physique. Il n'y a qu'à voir les gens qui font des greffes de visage, qui ont des gros problèmes de reconstitution d'identité après, puisque finalement, le simple fait d'avoir subi cet hypothétique échange de conscience modifie très forcément la conscience. Ça va reposer des problèmes d'identité à cette conscience. C'est pas la même conscience de soi, il n'y a pas le même corps, en fait, après, je pense. C'est comme si on changeait de sexe comme ça d'un coup, d'un seul. On serait pas le même individu physiquement, mais même intérieurement, il y a un ressenti par rapport au monde qui sera différent. Tu sais que ça, c'est un des principaux problèmes que j'ai eu par exemple avec le jeu de rôle Shadowrun, qui est un jeu de rôle dans lequel on suppose les hommes capables de transférer leur esprit au bout d'une bagnole. Il y a un moment donné, on te dit, tu vas pouvoir ressentir les roues de ta voiture, la sensation que les roues de ta voiture ont sur l'asphalte. Et il y a un moment donné où j'ai dit au maître de jeu, donc qui nous présentait ce jeu, je lui ai dit mais je comprends pas, je vois pas ce que ça fait, quel effet ça fait d'être une voiture. Je veux dire, ça a pas de sens, c'est trop dur à concevoir. Et puis là, C'est vrai que les questions d'identité se posent direct. Est-ce que vraiment j'aurais la sensation d'être la même personne? Est-ce que je peux être Romaric Briand dans le corps d'une voiture? Ça me semble complètement invraisemblable. Donc il y a toutes ces questions-là aussi. Vous vous les posez, vous aussi, quand vous faites des recherches sur l'intelligence artificielle? On se les pose. Vous connaissez, il y a une fameuse expérience de pensée hein, et qui est extrêmement utilisée en sciences cognitives et en intelligence artificielle. C'est celle de, c'est le, l'article de Thomas Nagel, un philosophe. Ouais, « What is it like to be a bat ?» Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris? Alors imaginez que vous passez votre vie dans une grotte, pendue par les pieds, que vous ne voyez rien, mais que vous envoyez voyez des ultrasons, vous etc., que vous voliez, enfin tout ça. Et donc, c'est, bien sûr, c'est une grande question parce qu'on parlait de conscience. Là, il s'agit d'une perception du monde qui est totalement différente. De la nôtre. Et donc, effectivement, bon, pourquoi Thomas Nagel a fait ça? C'est parce qu'il s'est dit, s'il y a une science de la conscience qui veut objectiver la conscience, il y a des limites à cette objectivation. Et les limites, c'est bien sûr qu'on a du mal à appréhender ce que peut être la conscience d'un être qui serait trop totalement différent. Ce qu'est la conscience même tout court. Enfin, j'ai envie de dire que c'est... Justement, je voulais revenir juste là-dessus. La conscience phénoménologique pour nos auditeurs, parce qu'on en a parlé au début. Là, en fait, on est en train de tourner autour du pot, mais on va, je suis sûr que ça va finir par ressurgir. C'est l'idée que finalement... Alors, comment on expliquerait ça? Jean-Gabriel Ganassia, je vais vous laisser l'expliquer. C'est le fait qu'on attribue à quelque chose de la conscience parce qu'il a des attitudes qu'on assimile. Ça, c'est la conscience existentielle. Enfin, d'accord. En tout cas, je reprends des termes qui ont été utilisés mais justement, par les philosophes. C'est-à-dire que c'est la conscience qui correspond à la façon dont nous nous comportons. D'accord. Ouais, c'est le comportement autrement qui dit, on... de l'extérieur. Hein, parce que c'est vrai que... Je suppose, par exemple, que bon, vous pensez telle chose, que vous souffrez, etc. Mais je le suppose simplement parce que je vous vois, parce que je suis pas dans votre tête. C'est une espèce de mimétisme. En fait, voilà, c'est ça. Et c'est important parce que ça, c'est la conscience existentielle. Existentielle. L'idée qu'on projette finalement sa propre conscience sur des objets qui ont les mêmes propriétés à peu près que nous. Un mode d'existence. Et est-ce que ça peut se rapprocher de l'empathie? Un tout petit peu, mais. En tout cas, c'est très important parce que lorsque Alan Turing a écrit ses premiers articles sur l'intelligence des machines, il a justement eu comme acception de cette intelligence des machines, non pas le fait que les machines soient vraiment intelligentes, c'est-à-dire que nous sommes intelligents, mais qu'elles apparaissent comme étant intelligentes. Mais oui. Le test de Turing le dit extrêmement clairement. Il va essayer de construire un subterfuge, hein, qui est ce fameux jeu de l'imitation avec un homme, une femme, hein, et puis l'homme essaye de se faire passer pour la femme, puis un interrogateur qui va distinguer l'homme de la femme. Ce qui est intéressant parce qu'on peut se demander, et lui, bien sûr, on sait, parce que son existence tragique l'a montré, que cette question de la différence entre l'homme et la femme lui posait beaucoup de problèmes. Parce que Turing était homosexuel. Parce que Turing était homosexuel et qu'il est mort parce qu'il a été accusé d'homosexualité et condamné à une cure d'hormonothérapie dont il a beaucoup souffert. Hein. C'est atroce. C'était quand? C'était en 54. En 54. Oui, c'est étonnant. En Angleterre, en 54, hein, donc il y avait ce genre de choses. Ouais. C'était d'autant plus que Turing était un héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à ses travaux que les armées alliées ont pu vaincre. Donc les travaux, la fameuse machine de Turing pour les auditeurs. Hein. Vous allez voir, il y a une énorme littérature sur la machine de Turing. Fonctionne à l'aide d'aller-retour sur un papier, je me souviens plus du nom. C'est pas un papier imprimé. Enigma, voilà, c'est le nom de la machine. Donc voilà, Enigma. Allez voir sur. Alors, pour revenir donc à ce test de Turing, il dit donc là, on a l'homme et la femme qui ont une différence physiologique qui est somme toute assez mineure et qui va se traduire peut-être dans des différences de l'ordre de l'intelligence. Il dit maintenant, on va remplacer un homme qui imite une femme par une machine qui imite l'homme qui imite la femme. Et à ce moment, on va avoir un dialogue avec un interrogateur qui va poser des questions. Est-ce que tout d'un coup, il se dit « Oh, bah tiens, il y a quelque chose de bizarre. » ça peut pas être un homme, etc. Et bien sûr, il se dit « Une machine pourrait être qualifiée d'intelligence si elle joue au jeu de l'imitation pendant un temps suffisamment long. » Donc, vous voyez bien, il s'agit de s'affranchir des apparences physiques. Et d'autre part, de prendre en compte un dialogue, c'est-à-dire l'apparence de l'intelligence. Et d'ailleurs, il le dit dans ses... Il répond aux objections à l'idée qu'une machine puisse être intelligente. Il dit... les gens disent qu'elle n'a pas de conscience. Il dit c'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est simplement qu'est-ce qu'on perçoit de la machine. En même temps, ça conserve tout un tas de dimensions, comme la sensualité, parce que, bien sûr, la machine peut ruser. Hein, elle peut s'amuser. Hein. Et d'ailleurs, il donne des exemples de dialogues assez drôles. Hein. Donc, une machine dont on arriverait... à faire en sorte qu'elle puisse simuler des propriétés qui seraient quasiment humaines, c'est des mimiques, des attitudes, des réponses qui seraient correctes pour un être humain, on dirait qu'elle a une conscience existentielle. Oui, enfin qu'elle se comporte, en tout cas de façon extérieure, comme un homme. Mais bien alors sûr, que la conscience phénoménologique, c'est Jean-Gabriel Ganassia, ce serait une machine qui perçoit, c'est-à-dire une machine qui souffrirait comme nous. Alors c'est vous prenez un robot et puis vous lui mettez des chaussures, un peu comme les jeunes chinoises qui compriment ses pieds. Alors est-ce que le robot va vraiment souffrir de souffrir, ça hein, ouais. C'est, hein. Alors ça pose deux questions. D'abord, est-ce qu'il perçoit? Et puis la deuxième question, est-ce qu'il perçoit comme nous? Par exemple, vous donnez au robot un verre d'eau. Vous trouvez que c'est bien un verre d'eau. Le robot, il aimera peut-être pas parce que ça va le faire rouler. Ouais. En revanche, vous lui donnez de l'huile. Flavie. C'est rigolo parce que j'ai vu un film récemment en fait, qui parle de ça, qui s'appelle Eva. Et en fait, le film explique comment on crée le robot. C'est un robot à conscience existentialiste. Il va réagir comme on s'attend qu'il réagisse. Et en fait, au fur et à mesure, les humains finissent par croire qu'il a en gros une conscience phénoménologique qui s'ouvre vraiment et tout. Alors qu'en fait, on voit qu'il a été créé. On sait très bien qu'il ne va pas... qu'en fait, il n'est pas capable de ressentir des choses, mais on finit par lui donner, en fait, lui attribuer le fait qu'il est presque humain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il arrive ce qu'il arrive. Mais le film ne répond pas forcément à la question. Il ne dit pas si on a toutes ces capacités et toute cette conscience existentialiste, est-ce qu'on peut finalement être relié à la conscience phénoménologique. Mais du coup, le vrai problème là pour le robot, ce serait plus les humains auxquels il serait confronté. Puisque les humains seraient plus capables de savoir s'il fait semblant ou s'il est vraiment, en fait. Ce serait pas en fait le robot le problème, ce serait les humains autour. La perception qu'en ont les autres en fait. Et là on retourne sur la question de qu'est-ce qui fait qu'un tel est un tel ? Est-ce que c'est la manière dont tout le monde se comporte avec lui ? Par exemple, on peut imaginer que Nao entre suffisamment dans le quotidien pour qu'un jour les gens cessent de le considérer même comme un robot. Ils commencent à vraiment lui attribuer des pensées, puis lui parler, etc. Un enfant qui naîtrait dans un monde dans lequel Nao serait considéré comme tel, si ça se trouve, ne ferait même plus la distinction. Enfin, j'imagine que si quand même, parce que Nao a quand même des propriétés. On voit bien, c'est pas un humain. Hein. Il y a les yeux qui clignotent, il y a d'étranges lumières dans ses yeux. Il est plus petit qu'un être humain. Plus tard. Ouais, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Emmanuel, tu voulais poser une question ? Ouais, moi je voulais absolument rebondir sur cette histoire de souffrance, parce que je trouve ça vachement intéressant. Mais finalement, quand on réfléchit physiologiquement, donc une souffrance, c'est un signal électrique qui provient de neurones pour dire qu'il y a un danger d'altération de la matière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça voilà. La physicaliste, dans toute sa splendeur. On a beaucoup de débats avec Romaric. Mais voilà, c'est quelque chose qui est parfaitement reproductible. Quelque part, même la peur de la mort, c'est quelque chose qui serait parfaitement reproductible. C'est la peur de perdre notre intégrité physique. Donc finalement, qu'est-ce qui empêche d'insérer ça dans un programme ? Jean-Gabriel Ganassia. Il y a deux choses. On peut reproduire la fonction de la souffrance. C'est ce dont on parlait. Ah, et très bien. Est-ce qu'on reproduit la sensation de souffrir ? Ça, c'est une question ouverte. Parce que peut-être que notre Nao souffre vraiment, mais on ne peut pas le savoir. Et en tout cas... Même s'il souffrait, il ne souffrirait pas de la même façon que nous. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. En revanche, je suis d'accord avec vous, la fonction, et ça, bien sûr qu'on a essayé de le faire, la fonction des émotions, ça, on peut essayer de la comprendre et de l'implémenter dans un modèle. Mais finalement, votre souffrance à vous, notre souffrance à nous, ce n'est qu'une fonction. Voilà, la fonctionnaliste qui est Emmanuel Méfray, pour citer son nom. Mais ça se limite à des impulsions électriques. Entre des neurones ? Eh bien, pas forcément, figurez-vous. Moi, je prends par exemple notamment une expérience de pensée qui est très connue, qui est celle de Marie, l'expérience des qualia. T'as déjà entendu parler de ça ? Non. C'est une femme, en fait, qu'on met dans une pièce et à qui on met des lentilles, elle ne sait pas qu'elle a ces lentilles, qui lui empêchent de percevoir la couleur rouge. D'accord. Et donc, elle apprend à utiliser le mot rouge. Elle apprend toutes les fonctions du mot rouge dans la société bien pensante. Hein. Tu veux du rouge ? Bien sûr, dit Marie, je veux bien du rouge, etc. Bref, elle apprend vraiment. Et fonctionnellement, Marie sait utiliser le terme rouge à la perfection. D'accord. Mais un jour, il y a un scientifique qui dit, eh ben voilà, aujourd'hui, Marie, on va te retirer tes lentilles. On retire les lentilles de Marie. Question, elle voit du rouge. Est-ce qu'elle apprend quelque chose, Emmanuel, ou pas ? Quelque chose comme la sensation de ce et voilà. Que c'est. Et là, du coup, on dirait... Alors là, oui, il m'a bien dressé. Attends. Alors, Emmanuel, là, il y a deux réponses. Il y a ceux qui vont dire oui, Marie apprend ce que ça fait, l'effet que ça fait de voir du rouge, et d'autres qui disent non, elle apprend. Tu aimes cette phrase-là. Et l'effet que ça fait de voir du rouge, c'est ce qu'on appelle une qualia, ou les qualia, et c'est un qualé, je crois, on dit au singulier. Vous connaissez cette expérience, évidemment, Jean-Gabriel Garcia. Tout à fait. Alors, et donc, si tu es fonctionnaliste, tu dis, bah non, Marie, elle s'en fout, elle apprend rien. Et si tu es comme moi, hein, un petit peu, si tu as envie de croire qu'il y a des effets que ça fait dans le monde et qu'il faut en parler et les traduire d'une manière ou d'une autre, eh ben tu crois en l'existence des qualia, tu vois. Et cette expérience de pensée-là permet de mettre les choses au clair, je trouve. Oui, mais finalement, on va avoir le même débat. Emmanuel, j'ai une petite question pour toi. Il y a des gens qui ont une maladie qui fait que ils peuvent pas ressentir la douleur, alors que quand ils touchent quelque chose ou qu'ils ont mal, quelque chose qui se passe dans leur cerveau qui devrait leur dire qu'ils ont mal, mais ils le ressentent pas. Mm-hmm, ouais. Donc c'est qu'il y a quand même, je sais pas, deux choses différentes, je sais pas. Ah mais sinon, elle pourrait répondre en disant oui, mais c'est l'information qui monte pas au cerveau et qui du coup, tu vois, les fibres C comme on dit, c'est le vieux modèle des fibres C qui est pas activé. Donc du coup, il reste la main posée sur le réchaud. C'est en train de cramer, ils font pas gaffe parce qu'en fait, il y a pas l'information, tu vois. Mais elle pourrait te dire ouais, mais là il y a une fonction qui va pas, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le truc en fait. Mais finalement, même hein pour l'histoire du rouge, au final, c'est juste que ce rayon, enfin cette longueur d'onde n'avait jamais frappé le fond de ses rétines. Le problème, c'est qu'on pourra toujours. À mon avis, elle l'avait frappé, mais elle a pas été perçue. Ça, pour moi. Pardon. À mon avis, elle l'avait frappé sa rétine. C'est juste que son cerveau l'a pas prise. Si t'es un vrai fonctionnaliste, tu dis qu'en fait, elle apprend rien parce que l'effet que ça fait de voir du rouge, c'est précisément toute l'intégralité de la fonction de rouge. Autrement dit, en fait, quand on lui enlève la lentille, il y a un truc bizarre qui doit se passer dans son cerveau, genre un petit peu comme les gens, tu sais, à qui on met des lunettes qui inversent la réalité pendant un certain temps, et du coup, puis à un moment donné, quand même, le cerveau recalcule tout pour qu'il voit la réalité dans le bon sens. Mmh. Et puis on leur enlève leurs lunettes, et puis là, il y a à nouveau une perturbation. Mais en tout cas, tu vois, le cerveau, il fait le travail. Si ça se trouve, en fait, l'effet que ça fait de voir du rouge, c'est la manière dont le cerveau travaille la fonction du rouge. Et donc, du coup, Marie n'apprend rien parce que le cerveau, il a déjà... Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que, enfin, quelque part, distinguer le rouge du bleu, c'est juste être capable de dire ceci est rouge ou ceci est bleu. Tu vois, c'est complexe, mais... Ça t'éclaire ou pas? Tu pourrais t'en tirer comme ça. Il y a peut-être une expérience de pensée plus proche de l'intelligence artificielle qui reformule ces choses-là de façon différente. Ah. C'est l'expérience de John Searle, que vous connaissez certainement tous. Searle de nom, mais de quelle expérience parlez-vous? C'est un philosophe et il a imaginé ce qu'il appelle l'expérience de la chambre chinoise, justement pour critiquer la prétention de certains philosophes dits cognitivistes qui pensent que l'intelligence artificielle va pouvoir reproduire complètement notre conscience. Pour cela, d'ailleurs, il oppose deux choses qu'il appelle l'intelligence forte et l'intelligence artificielle faible. Alors, disons tout de suite que l'intelligence artificielle forte, qui correspond à cette idée qu'on va reproduire avec une machine une conscience, ne correspond pas du tout à ce que font les chercheurs en intelligence artificielle. Peut-être que quelques-uns l'ont imaginé, mais ça n'est pas du tout la moyenne. Donc, quelle est l'idée ? C'est que on va prendre quelqu'un, un Américain. Alors, c'est assez drôle parce que j'ai rencontré John Searle en Chine et il a dit je suis bien connu pour ne pas parler le chinois. Donc, on met un Américain qui ne parle que l'anglais dans une chambre et qu'on appelle la chambre chinoise parce que elle a juste une petite lucarne. Et à partir de ça, il voit à l'extérieur ce qui se passe. Il y a des gens qui lui présentent des symboles chinois. Et lui, il a un grand panier avec des panneaux en céramique sur lesquels sont imprimés des symboles. Et il n'a pas à manger, sauf s'il répond correctement. C'est-à-dire que s'il a tel et tel et tel symbole, telle séquence de symboles, il a un grand catalogue qui lui dit, bah, dans telle séquence de symboles, tu dois présenter tel et tel symbole. Alors, il se trouve que lui, donc il obéit parce qu'il veut manger, il a des contacts avec personne, et de l'extérieur, il y a des Chinois qui lui présentent des choses, et puis il voit qu'il répond. Puis il se dit, ah bah tiens, c'est bien, il comprend, il me parle, hein, c'est comme une espèce de chatbot. Mais la question que pose Johnson, c'est, au bout de 10 ans de ce traitement, hein, il manipule très bien les symboles, etc., est-ce qu'il connaîtra le chinois ? Alors... Ouais, je comprends bien, effectivement. Il connaît la fonction de chaque signe, il sait exactement comment répondre du point de vue du signe, mais est-ce qu'il a compris ? Et On revient surtout, et moi je trouve que c'est un terme qui est sous-jacent à toute la conversation qu'on a depuis le début, c'est la notion de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Et une intelligence artificielle, parce que souvent, très souvent, on entend des gens qui nous disent « Oui, pour moi, une intelligence artificielle sera créée à partir du moment où, une machine sera capable de comprendre et ne plus échanger des signes et des symboles comme un perroquet, en fait, ou comme une fonction. » On me dit « Ah, exactement comme dans l'expérience que vous signaliez tout à l'heure, Jean-Gabriel Ganassiel. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Est-ce que ça veut dire avoir une réaction adaptée ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Est-ce que quand on me dit « J'ai soif » ce matin aussi, je pense que comprendre va avec la volonté. Enfin, ou pas. Je pense que les deux vont ensemble, conscience, comprendre, les trois vont ensemble, conscience, comprendre, volonté. On peut comprendre quelque chose, mais est-ce qu'on aura la volonté de répondre comme il faudra ? Est-ce qu'on dira ? Est-ce qu'on le dira parce qu'on a envie de le faire en comprenant ce que l'autre veut dire ? Ou est-ce qu'on le fera juste de façon mécanique ? Mais non, mais en fait, c'est ça. À mon avis, on a une vision du mécanique qui doit pas être... On a une vision de nous-mêmes qui est surévaluée, en fait, je pense. On se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'on fait de façon mécanique, de tout ce qu'on... Mais Jean-Gabriel Ganassia. On a une machine, un ordinateur, et qu'on travaille avec, on se dit à un moment donné, oui, ça, il sait ça, il comprend ça. Ouais. Et c'est cette projection, hein, moi j'ai appelé ça une forme d'animisme. À ce moment-là, donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une conscience à l'intérieur de la machine. Ça ne veut pas dire qu'elle a une âme. Ça veut simplement dire que pour la maîtriser, il y a une stratégie de l'intelligence qui lui attribue une conscience ou une âme. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Ouais. Et puisqu'on est dans un festival de science-fiction, justement... Et parce qu'on est aux Utopiales, on ne l'a pas précisé, mais oui, on est aux Utopiales. Je le mettrai dans le petit texte qui ira avec le podcast. Donc, puisqu'on est dans un festival de science-fiction, justement, c'est très intéressant. Si on regarde les grands films sur l'intelligence artificielle, 2001, l'Odyssée de... L'espace. Donc écrit en 68, il nous présente une machine qui est mathématicienne, qui est toute puissante, hein, avec des robots. Et ensuite, en 2000, Spielberg a fait un film. Alors, c'est une histoire un tout petit peu compliquée parce que c'est un film qui a été imaginé par Kubrick, à partir d'une nouvelle de Brian Aldiss, et il voulait faire le film, mais il n'est pas arrivé, il a demandé à Spielberg de le faire. D'accord. Surtout, il savait qu'il allait mourir, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il a demandé à Spielberg de terminer le film. Voilà, c'est ça. Et donc, Spielberg l'a fait, et l'a fait sortir en 2001, en hommage, bien sûr, hein, à Kubrick. C'est une histoire complètement différente, parce que c'est plutôt le mythe du Pinocchio, hein, c'est-à-dire que c'est une machine qui, justement, tout d'un coup, va avoir vraiment des sensations, hein, et qui va éprouver quelque chose. Et bien sûr, elle est considérée comme un robot normal, donc on le traite comme tel, entre guillemets. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça correspond à un développement de l'intelligence artificielle dans les années 90, et donc qui trouvait son couronnement à ce moment-là, en 2000, dans lequel justement on s'intéressait à ce qu'on appelle le calcul des émotions, on s'intéressait à l'interaction avec les machines, on s'intéressait non pas à faire une machine qui calculait de façon parfaite, qui soit une image de nous-mêmes, mais en revanche une machine avec laquelle on pouvait échanger, dialoguer, un compagnon artificiel, avec cette idée dans la réalité scientifique qu'il s'agissait plus d'une forme d'animisme. Je me souviens, j'avais écrit un petit article pour la Revue des Deux Mondes à l'époque, hein, parce qu'en français c'était joli, AI, animisme informatique. Ah, non, mais alors, donc l'animisme, juste pour nos auditeurs, mais je pense qu'ils savent à peu près, mais c'est le fait d'attribuer à quelque chose, à un objet, on va dire, une âme. C'est ça. Peut-être qu'il faut, préciser parce que il y a souvent un malentendu. Il y a en particulier sur le continent africain un certain nombre de gens qui ont des spiritualités de différents ordres. Ensuite, les explorateurs ont caractérisé ces différentes spiritualités dans lesquelles les hommes attribuent à des objets naturels des pouvoirs magiques ou des âmes. Ils ont qualifié ça d'animisme. Mais c'est une dénomination occidentale. Hein. Normalement, un Africain ne peut pas dire je suis animiste. Bon, bien sûr, aujourd'hui, quand ils n'ont pas de religion mosaïque, souvent ils se disent animistes. Mais le terme lui-même, bien sûr, vient de l'extérieur. Emmanuel. J'aimerais préciser, parce qu'il y a quelque chose que je ne suis pas sûre de très bien comprendre. En fait, quand on demande à la machine, effectivement, de se comporter comme un compagnon, est-ce que ça veut dire que la machine est réellement capable, par exemple, d'utiliser des informations qui lui arrivent et de les reconnecter avec d'autres informations anciennes sans qu'on lui précise que ces informations sont liées? Vous voyez, un peu comme un comportement. Je rencontre quelqu'un, je vais me comporter avec cette personne par rapport à d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine ou ce genre de choses. Je ne sais pas si je m'explique très bien, mais est-ce que la machine a la capacité de... Ben on revient à la notion de comprendre, d'analyser des informations de façon... Tu sais, complexe et déconnecté. Indirectement, là, tu sais à quoi tu fais référence? Je pense que tu fais référence à la grammaire. C'est-à-dire l'idée que on aurait, comment dire... De la logique, plutôt. Ouais, je crois ça, pas. C'est peut-être une notion de logique aussi. Enfin... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on utilise toutes les techniques possibles qui permettent de faire cela, et en particulier les techniques d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre en compte les expériences passées, pour essayer ensuite de les réutiliser. Et de façon, quelquefois, un tout petit peu imprédictible. C'est ça qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'à la fois, ça peut être parfaitement déterministe, ça peut obéir à un modèle qui est parfaitement connu, et en même temps, ça nous échappe un tout petit peu. Alors ça, Turing l'avait très très bien vu, parce que l'une des objections à l'idée qu'une machine puisse être intelligente, c'est l'idée qu'elle ne soit pas créative, qu'elle soit capable que de reproduire ce qu'on a mis dans son programme. Et elle ne fait que reproduire le programme. Néanmoins, ce que dit Turing, c'est que même un programme très simple nous échappe en sens que on connaît le programme, on l'a écrit, et pourtant le résultat n'est pas tout à fait ce que l'on imaginait. Donc c'est cet effet de surprise que l'on essaye de reproduire avec des machines. Alors il y a des machines qui font ça dans un dialogue, qui font ça sur des tâches bien définies. Et puis il arrive qu'il y ait même des machines qui ont été faites pour essayer de reproduire la création artistique. Par exemple, moi j'avais travaillé avec un de mes étudiants sur une machine qui simulait la ligne du bassiste dans un trio rythmique en jazz en faisant appel à une modélisation de l'imagination qui fonctionne sur une recombinaison d'éléments de mémoire. C'est l'idée, par exemple, que un être mythologique, comme un sphinx, ou les êtres qu'on voit en Égypte, ce sont des chimères composées. Donc, on faisait la même chose à partir de morceaux de musique, et puis avec différentes contraintes, puisqu'on utilisait les règles d'harmonie pour que le résultat soit correct, et puis on utilisait le contexte pour que ce soit fidèle à la fois à l'ambiance dans la salle, à ce que jouaient les autres, et on avait quelque chose qui était tout à fait intéressant. D'ailleurs, on avait discuté un tout petit peu avec les musiciens pour voir si ces choses-là étaient pertinentes. Pour bien comprendre, vraiment, je veux que les auditeurs comprennent bien ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on dit une machine qui n'est pas capable de créativité n'est pas intelligente? C'est parce qu'en fait, l'idée qui est derrière, c'est si on n'est pas capable de prendre des signes et de les recomposer, c'est qu'on ne les a pas compris. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que c'est que comprendre? On attend que quelqu'un qui a compris le rouge, il soit capable ensuite de réutiliser le rouge dans un autre contexte pour à nouveau utiliser sa signification. Et ça, pour moi, c'est la grammaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous permet de faire ça? C'est le fait qu'on ait un ensemble de règles qui nous dit, par exemple, si je te dis, Jean-Gabriel smlurp, tu comprends tout de suite que smlurp, c'est un verbe parce qu'il est positionné de telle manière que tu vois ce que je veux dire? Donc... malheureusement, on va devoir vous laisser parce que Jean-Gabriel a un emploi du temps très chargé aujourd'hui. Merci de nous avoir consacré. Ouais, merci beaucoup. 40 minutes. Déjà. Ouais, c'est clair, mais bon, on a fait qu'aborder la question. Est-ce que vous aujourd'hui, pour conclure, est-ce que vous pensez que les laboratoires sont sur le point de réaliser une intelligence artificielle capable au niveau industriel d'être utilisée, etc. Est-ce que dans quel domaine est-ce que vous avez travaillé concrètement? Que c'est déjà le cas très concrètement. Et je crois qu'on ne se rend pas compte, le monde a changé en 40 ans. Oui. Et quel a été le moteur de changement? C'est pas la physique. La physique, ça a été important avant. Ça a été important dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. Mais entre les années 70 et aujourd'hui, quelle est la révolution? Ce sont les ordinateurs qui sont partout. C'est l'intelligence ajoutée à tous les dispositifs matériels. Et c'est le web. Or, ça, c'est directement lié à l'intelligence matérielle. Ce qu'on oublie, c'est que le web, c'est quoi? Ce sont des réseaux. Ça, les réseaux, c'est de la physique. Mais au-delà des réseaux, qu'est-ce qui a fait le web? C'est Tim Berners-Lee. Hein, tout le monde se souvient. Alors d'abord, je rappelle que Tim Berners-Lee est un Européen, c'est un Anglais. Enfin, si l'Anglais est l'Europe, si l'Angleterre est l'Europe. Il est Européen, il a fait ça au CERN, à Genève, donc en plein cœur de l'Europe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couplé les techniques des réseaux de télécommunications avec ce qu'on appelle l'hypertexte. Alors qu'est-ce que c'est que l'hypertexte? C'est un modèle de mémoire qui a été publié dans des conférences d'intelligence artificielle en 1965. L'auteur de ce modèle, c'est quelqu'un qui s'appelle Ted Nelson, d'ailleurs, qui est un philosophe, et qui voulait au départ essayer de reproduire, de comprendre notre intelligence et d'utiliser l'ordinateur pour nous aider à faire ça. Il a eu des difficultés, donc il s'est rabattu sur un texte augmenté avec des liens qui ressemblaient un tout petit peu aux liens qu'il y a dans notre mémoire. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça a été publié dans une conférence d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle a changé le monde. Et on pourrait prendre, bien sûr, beaucoup d'autres exemples. J'ai Lane qui me revient en tête. À fond. Alors Lane, donc c'était un manga. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Monsieur Gamacia. C'est un manga dans lequel les liens de l'internet commencent en gros à faire une conscience, parce que à l'époque on définissait le cerveau comme un ensemble de liens de connexions électriques, et donc on s'est dit tiens, le web finalement c'est une connexion électrique, et donc dans Lane on suppose que l'internet est devenu une nouvelle forme d'intelligence et qu'on n'arrive pas à échanger avec elle finalement. Ça me passionne. Bon, je vais courir lâcher, vous allez me donner le titre, et ça me passionne. Bon, d'autre part, d'une part parce que ces questions, bien sûr, sont tout à fait intéressantes, et d'autre part parce que je travaille en ce moment sur les mangas. On a d'accord. Qui commence justement sur l'édition de mangas sur des outils électroniques, avec sur à la fois donc la visualisation des mangas, la possibilité d'obtenir de l'information sur les personnages, de faire de la recommandation, et aussi la possibilité d'avoir des communautés lecteurs qui puissent échanger de l'information. Donc c'est effectivement génial. Faire une espèce de réseau des lecteurs à travers Internet. Vous êtes tellement ouvert, Monsieur Ganassia, ça fait super plaisir. J'ai vu aussi que vous étiez membre du mouvement universel pour la responsabilité scientifique. Vous pouvez nous en parler juste 30 secondes pour conclure ? Bien sûr, tout à fait. Hein. Il s'agit d'un mouvement qui est né dans les années 70. Moi, je suis arrivé beaucoup plus tard, il n'y a pas très longtemps que j'y suis, mais qui au départ était fait par des scientifiques qui essayaient d'expliquer quels étaient les dangers ou quelles étaient les transformations qui étaient à la clé des développements scientifiques. D'accord. Et donc, le fondateur, ça a été le recteur Mallet. Ensuite, il y a eu des présidents assez prestigieux. Hein. Par exemple, il y a eu Jean Dosset. Alors, peut-être que les gens ne se souviennent plus qui était Jean Dosset. C'est un très grand biologiste qui a le prix Nobel de médecine. Et c'est l'homme qui a inventé le système, la théorie du système immunitaire, ce qu'on appelle le système HLA. Sans déconner. Et on ne se souvient pas de ce nom. Oui, il est mort il y a relativement peu de temps. Toi, tu t'en souvenais, Emmanuel, peut-être. J'avoue que le nom, non. Mais... C'est incroyable, quand même. Mais le système HLA, oui, certainement. Et donc, ce mouvement... Et donc ce mouvement continue. On essaye de lui donner une dimension européenne pour essayer de réfléchir, de sensibiliser aux conséquences du développement des sciences. Le président actuel, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean Jouzel. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est le représenté français du GIEC, et à ce titre d'ailleurs. Il a partagé le prix Nobel, vous vous souvenez, il y a quelques années avec Al Gore. D'accord, ouais. Oui, exact. Donc voilà. Et donc, bon, là, je suis dans le directeur du MURS où je m'occupe plus spécifiquement des questions liées aux technologies d'information. C'est pour permettre finalement aux scientifiques de ne plus être le maillon d'une chaîne dont ils ne sauraient pas vraiment où elles mènent finalement. Voilà les conséquences. Voilà, c'est ça, ça c'est qu'on arrête de. C'est pour une éthique forte en science. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est permettre effectivement de donner aux scientifiques la parole sur un certain nombre de questions où on pense que leur compétence, c'est-à-dire qu'en tant que scientifique, on est des citoyens comme les autres, hein, et on a les mêmes interrogations, les mêmes engagements, les mêmes divergences. Mais à un moment donné, je crois qu'on a des compétences qui sont utile pour éclairer le débat public. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles il faut qu'il y ait des débats publics. Eh bien, voilà, c'était une excellente conclusion, monsieur Ganassia. C'est, voilà, vous avez éclairé les rôlistes. L'émission démarre très fort. Remercie. Vraiment, merci à vous beaucoup. D'être venu. On va vous laisser. Bonne conférence. Merci. Merci à Loïs, merci Flavie. Merci Emmanuel d'avoir participé à ce podcast. Merci pour les questions. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine.